leu tous ses scanties, belle jamais. Dis ma pauvre âme désolade, la fisesse, ses invoulades, des soleils ne pavissionneraient. Déjà la vie de mes démailles, mes seins de triste despouillade, dis ma pauvre âme désolade, tout va y s'escantir, perd jamais. L'espérance lui en l'est cassade, et mort comme la flou d'ayade. Au soleil de nous prenne l'ail, quand l'amour me passe à portade, faille qu'une grimace et s'en vaille, toutes escantes perdent jamais, toutes escantes perdent jamais.